الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الحق المبين. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Haqq, il y a également Al-Mubin. Amma ismuhu tabaraka wa ta'ala Al-Haqq, faqad warada fil Qur'an al-Karim fi asharati mawadi'a. Qala ta'ala, fadhalikumullahu rabbukumul haqq, famadha ba'da al-haqq illa al-dalalu fa'anna tusrafun. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أما اسمه المبين فقد ورد في موضع واحد مقرونا بالحق قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. L'auteur رحمه الله تعالى nous dit: quant au nom d'Allah, Al-Haqq, on pourra traduire par la vérité, et Al-Mubin, le vrai en toute évidence, mais on expliquera, Inch'Allah. Quant au nom d'Allah, Al-Haqq, il a été mentionné dans le Coran à 10 reprises, dans 10 endroits du Coran. À titre d'exemple, dans Surat Yunus, on nous dit sur la traduction des sens du verset: tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc si ce n'est l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous en détourner ou vous détourner? Fadhalikumullahu rabbukumul haqq. Voici Allah, votre vrai Seigneur. Dans Suratul Hajj, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et c'est Allah qui est le sublime, le grand, le plus haut, ou plutôt le très haut et le très grand. Dans Suratul Mu'minun, que soit exalté Allah, le vrai souverain, pas de divinité en dehors de lui n'est digne d'être adoré, le Seigneur du trône sublime. فتعالى الله الملك الحق, le souverain, le vrai. Ici, ils ont traduit par le vrai souverain. Al-Malik, le souverain. Al-Haq, la vérité. La ilaha illahu, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Rabbul Arsh al-Karim, le Seigneur du noble trône. Quant au nom d'Allah, Al-Mubin, il a été mentionné une fois dans le Coran, juxtaposé au nom Al-Haqq. Dans Surat An-Nur, ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution. Et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Wa ma'na Al-Haqq, أي الذي لا شك فيه ولا ريب, لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته, فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه, فهو تبارك وتعالى حق, وأسماؤه وصفاته حق, وأفعاله وأقواله حق, ودينه وشرعه حق, وأخباره كلها حق, ووعده حق, ولقاؤه حق. Quant à l'explication du nom d'Allah, Al-Haqq, la vérité, c'est-à-dire celui au sujet duquel il n'y a aucun doute. Allah Azza wa Jal est celui au sujet duquel il n'y a aucun doute, ni dans son essence, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans sa divinité. C'est la divinité qui est en droit d'être adorée, c'est la divinité qui est digne d'être adorée. C'est le seul qu'on adore et qui mérite l'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala est la vérité. Ses noms sont vérité, ses attributs sont vérité, ses actions, ses paroles sont vérité, sa religion, sa législation est vérité. Toutes ces informations, toutes les informations émanant de lui sont vérité. Sa promesse est vérité et sa rencontre est vérité. Voici le sens du nom d'Allah, Al-Haqq, la vérité. C'est celui au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est la vérité, celui duquel il n'y a aucun doute, ni dans son essence, ni dans ses noms, ni dans ses attributs, ni dans le fait qu'il est le seul méritant l'adoration, ni dans le fait qu'il est la perfection absolue dans ses noms et ses attributs, dans ses actions, sa législation, son jugement et les informations émanant de lui. Sa parole est vérité, sa promesse est vérité. Et la rencontre d'avec Allah, à la rencontre avec Allah est vérité. وقد قال النبي وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته من الليل بالإقرار بهذه المعاني كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. Le prophète صلى الله عليه وسلم entamait ou commençait sa prière de nuit par des paroles comprenant et renfermant ces sens mentionnés précédemment. Dans le hadith Abdullah ibn Abbas, قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت متفق عليه. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit pour prier après takbiratul ihram, il disait: Ô Allah, toutes les louanges te reviennent de droit. Anta qayyimus samawati wal ard. Tu es celui par lequel subsistent tous les habitants des cieux et de la terre, ou qui gère les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. À toi revient la louange. À toi appartient la royauté des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. À toi revient la louange. Tu es la lumière des cieux et de la terre. À toi revient la louange. La louange. Tu es le roi ou le souverain des cieux et de la terre. À toi revient la louange. Anta al-haq. Tu es la vérité. Tu es la vérité. Ta promesse est une vérité. Ta parole est une vérité. Ta rencontre est une vérité. Le paradis est une vérité. L'enfer est une vérité. L'heure est une vérité. Lors de la fin du monde. Les prophètes sont une vérité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une vérité. Ô Allah, à toi je me soumets. En toi je crois. Sur toi je compte pleinement. Et ce n'est qu'à toi que j'abandonne toutes mes affaires. Vers toi je reviens. Par toi je lutte. Et c'est selon ton jugement que je juge. Ou ils ont traduit ici par devant toi que je cite. Pardonne-moi mes fautes passées et celles à venir. Pardonne-moi ce que j'ai fait en secret, ce que j'ai fait en public. Tu es celui qui met en avant et celui qui retarde. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Quant au sens du nom d'Allah Al-Mubin, Ay Al-Mubayyin li'ibadi sabila ar-rashad. Al-Mubin, celui qui éclaircit à ses serviteurs le chemin de la droiture. المواضح لهم الأعمال الصالحة التي ينالون بها الثواب والأعمال السيئة التي ينالون عليها العقاب. المبين c'est celui qui explicite, celui qui éclaircit, celui qui expose clairement à ses serviteurs le chemin de la droiture. Le chemin de la droiture. Celui qui éclaire, qui leur éclaircit les bonnes actions. Ces actions qui les mèneront à obtenir la récompense. C'est également celui qui leur expose les mauvaises actions. Ces actions qui les mèneront à recevoir la punition. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. Dans sourate An-Nisa et At-Tawba, on trouve sur la traduction des sens de ces versets. Allah veut vous exposer et vous guider à la tradition de ceux qui vous ont précédé et vous pardonner. Et Allah est certes, et Allah est savant et sage. يريد الله ليبين لكم. Allah veut vous éclaircir les choses, vous exposer les choses, vous rendre clair les choses. Et dans sourate At-Tawba, Allah n'allait pas égarer un peuple après les avoir guidés tant qu'il ne leur a pas exposé ce à travers quoi ils allaient le craindre. ومن معاني المبين المبين أمره في الوحدانية فهو الإله الحق أو المبين أمره في الوحدانية فهو الإله الحق المبين لا شريك له. Parmi les sens de المبين, celui dont l'unicité est explicite, celui dont l'unicité est claire, évidente et explicite. C'est la seule divinité adorée en toute vérité. C'est la seule divinité digne d'être adorée. Et ceci est clair et explicite, il n'a aucun associé. Hada وقد نوع تبارك وتعالى في كتابه الدلائل والبراهن والحجج والبينات على أنه الإله الحق لا شريك له وأن الألوهية من سواه باطل وضلال وزيغ وانحلال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. « Ceci étant dit, Allah subhanahu wa ta'ala a diversifié dans son livre, c'est-à-dire le Qur'an ou le Karim, et l'épreuve et les évidences amenant le serviteur à reconnaître que Allah est le seul qui mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne l'est que faussement et injustement. Très nombreuses sont les preuves, très nombreuses sont les preuves et très diversifiées sont les preuves qui nous amènent au résultat de la ilaha illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne l'est que faussement et injustement. Ceci est car Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent ou ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux. Et certes, Allah est le très haut, le très grand. وقول ذلك الذي يبين لكم من عظمة وصفاته. Ceci, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal vous a exposé, tout ce qui vous a amené au résultat qu'Allah est l'immense, tout ce qui vous a amené au résultat qu'Allah a l'immensité absolue, tout ce qu'Allah vous a exposé comme attribut, comme perfection, vous amène au résultat que ذلك بأن الله هو الحق. Ça vous amène à quel résultat? Que Allah est la vérité. Allah est le seul digne d'être adoré. هو المعبود بحق. C'est la seule divinité qui est adorée tout en étant droit de l'être. C'est la seule divinité qui est adorée tout en étant digne de l'être. ولا معبود بحق سواه. Et en dehors de lui, personne n'est adoré en droit de l'être. Personne n'est adoré en étant digne de recevoir l'adoration. Al-kamal fi dhati wa asma'ihi wa sifati wa dinihi haqq. La perfection est dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs, dans sa religion, et tout cela est vérité. ورسول حق ووعد حق ووعيد حق ولقاؤه وعبادة حق. Ses messagers sont vérité, sa promesse est vérité, sa menace est vérité, sa rencontre est vérité, son adoration est vérité. Donc Allah nous expose tout cela à titre d'exemple parmi les choses qui nous amènent à ce résultat dans le Coran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Si on médite ces versets, ça nous amènera au résultat de la ilaha illallah. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alameen, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Tu reconnais qu'Allah a la perfection absolue. Et tu reconnais qu'Allah t'a comblé de ses bienfaits. Ben, celui qui a ces caractéristiques et celui qui mérite et qui est digne d'être adoré. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, tu affirmes les attributs d'Allah, sa miséricorde absolue. Et celui qui a cette pitié est celui qui mérite d'être adoré. Ensuite, tu dis Malik Yawmiddin, le roi, Malik Yawmiddin, le maître du jour des comptes, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Donc, Allah te fera mourir et vers lui tu reviendras pour être jugé. Ensuite, il y a soit le paradis, soit l'enfer. Celui qui a donné la vie, qui fera mourir pour ressusciter à nouveau, celui vers lequel tu vas revenir pour être jugé, c'est le seul qui mérite l'adoration. Ensuite, tu dis Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Après avoir dit ces trois choses-là, qui développent l'amour, l'espoir et la crainte, tu dis Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et vers toi seul que se fera. C'est toi seul que nous adorons et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Tout cela nous montre qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. D'autres exemples. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le donc avec. Ça, c'est une preuve que seul Allah mérite l'adoration. Parce que al-husna, c'est-à-dire la perfection absolue. La perfection de là de laquelle il n'y a plus de perfection. Celle qui n'accepte aucune imperfection. celle à travers laquelle on ne peut supposer aucune imperfection. Ça, c'est un des signes qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Allah nous mentionne également dans le Coran les défauts des fausses divinités adorées. Les défauts des fausses divinités adorées. Ça, ça nous montre qu'elles ne méritent pas d'être adorées avec Allah et que seul Allah mérite d'être adoré. Dans le plus grand verset du Coran, Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. On te dit qu'Allah c'est le vivant, le seul qui subsiste par lui-même, mais sans lequel personne ne peut subsister. Ensuite, on te dit la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Il n'est ni sujet au sommeil, ou plutôt à la somnolence, ni au sommeil. Tout cela fait partie des preuves qui nous montrent la ilaha illallah. On nous dit que c'est le hay, c'est le vivant, celui qui ne meurt jamais, celui dont la vie est complète, parfaite. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. Il n'est pas sujet à la somnolence, ni au sommeil, de par la perfection de sa vie et de sa qayyumiyya. La ta'khudhu sinatun wa la nawm, lahuma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a sur la terre. Ça, c'est encore une preuve que seul Allah mérite d'être adoré. Parce que c'est le seul maître, c'est le seul propriétaire, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on te montre sa toute puissance et que sa volonté absolue et qu'il est le seul maître à tout diriger, que personne ne peut décider d'une chose dans son royaume sans lui, subhanahu wa ta'ala. En dehors de lui, subhanahu wa ta'ala. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui pourra intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission? On nous mentionne encore d'autres choses. Donc celui qui lit le Coran verra de nombreuses preuves que seul Allah mérite d'être adoré. Lorsque tu lis le Coran, tu ouvres le mushaf, le premier ordre que tu trouves dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, u'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum, celui qui vous a créé, walladhina min qablikum, ainsi que ceux qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun. Ainsi vous atteindrez la piété. Ça, c'est une preuve que seul Allah mérite d'être adoré. Ça, c'est une preuve de la ilaha illallah. Ayyuhan nas, ou ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur. Adorez Allah, car c'est votre Seigneur. Celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui vous a créé, c'est votre Seigneur. Ça, c'est encore une preuve que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ça, c'est encore une preuve que seul Allah mérite d'être adoré. C'est le vivant. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adoré si ce n'est lui. Adorez-le donc d'un culte sincère. Donc, celui qui lit le Coran, qui médite le Coran, verra des preuves, yani indénombrables, sur le fait que seul Allah Azza wa Jal mérite l'adoration. Il a la perfection absolue, donc c'est le seul qui mérite d'être adoré. C'est le seul créateur, le seul maître, donc c'est le seul qui mérite d'être adoré. En dehors de lui, les créatures ont des imperfections. Elles étaient mortes, Allah leur a donné la vie. Puis il les fera mourir pour les ressusciter à nouveau, donc elles ne méritent pas l'adoration. Et ainsi de suite. Voici quelques exemples. وقوله وأن ما يدعون من دون الباطل. Quant à sa parole et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. أي الذي هو باطل في نفسه وعبادته باطلة من الأصنام والأنداد ومن الحيوانات والجمادات لأنها كلها مدمحلة زائلة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها ولولا إيجاد الله لها وإمداده لها لما بقيت فعبادة من هذا شأن أبطل الباطل وأضل الضلال. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est le faux en eux-mêmes. C'est le faux dans le fait de leur vouer l'adoration. Les idoles confectionnées, les égaux attribués à Allah, les animaux, les végétaux, tout cela n'est que créatures vouées à disparaître. Tout cela n'est que créature vouée à disparaître. Donc c'est le faux, c'est pas le vrai comme Allah. C'est le faux, c'est voué à disparaître. C'est le faux, ça ne mérite pas l'adoration. C'est le faux, les adorer, c'est le faux. Elle ne possède pour elle-même ni le pouvoir de donner le mal, ni le pouvoir de donner le bien, ni la mort, ni la vie, ni la résurrection. À plus forte raison, elle ne possède pas cela. Elle possède le pouvoir de repousser le mal, de donner le bien, de ressusciter et ainsi de suite, de donner la vie, de donner la mort. Si elle ne le possède pas pour elle-même, à plus forte raison, elle ne le possède pas pour autrui. Ça n'est, elles ne sont présentes que parce que Allah Azza wa Jal les a créées. Et que parce que Allah les maintient. Et si Allah Azza wa Jal ne maintenait pas ces créatures-là, elles n'auraient aucune présence. Donc adorer des créatures dont voici les caractéristiques fait sans aucun doute partie des choses les plus fausses et les égarements les plus lointains. ومن أنواع الدلائل والحجج التي ذكر الله في القرآن لبيان أنه المعبود بحق ولا معبود بحق سوى ما يلي. الشيخ حفظه الله تعالى nous mentionne ici différentes preuves qu'Allah عز وجل a mentionné dans le Coran pour nous démontrer qu'il est la seule divinité digne d'être adorée, la seule divinité adorée en toute vérité. Et que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne l'est que faussement et injustement. Premièrement, notez, تفرد تبارك وتعالى بالربوبية لا شريك له فهو الخالق وحده الرازق وحده المنعم وحده المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له في شيء من ذلك فهو رب الحق لا شريك له. Premièrement, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit unique dans sa seigneurie. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Le fait qu'il n'ait aucun associé dans la Seigneurie. C'est l'unique créateur. L'unique pourvoyeur. L'unique donateur des bienfaits. L'unique gérant dans l'univers. C'est le seul à administrer toutes choses sans aucun associé. Il n'a aucun associé dans tout cela. C'est donc le Seigneur, la vérité. Nul ne s'associe à lui. ومن لوازم معرفتي بذلك والإقرار له ومن لوازم معرفتي بذلك والإقرار له به أن يفرد بالعبادة. Ainsi, celui qui reconnaît qu'Allah est le seul Seigneur, le seul Créateur, le seul Pourvoyeur, il se doit forcément découler de cette croyance, de cette conviction, d'unifier Allah dans ce qu'on appelle Tawhid ul-Uluhiyya, d'unifier Allah dans le culte et l'adoration, reconnaître qu'il est le seul à mériter l'adoration. En d'autres termes, celui qui prend Allah pour Seigneur et qui reconnaît qu'Allah est son Créateur et son seul Maître, se doit par la suite de n'adorer que lui, de le prendre que lui comme divinité, et de reconnaître qu'il est le seul à mériter l'adoration. ويخص وحده بالخضوع الطاعة بالخضوع والطاعة. Il accordera l'exclusivité à Allah dans le rabaissement, dans l'obéissance. قال تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Dans sourate Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, de ces versets, c'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est certes audient et clairvoyant. C'est ainsi qu'Allah est lui, le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime et le grand. Puis on nous mentionne des actions d'Allah Azza wa Jal, qu'il fait descendre des nuages de l'eau. Ainsi, la végétation prend naissance sur la terre. Allah est le doux et le parfaitement informé. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et certes, Allah est le riche, le digne de louange. Plus loin, on nous dit, c'est lui qui vous a donné la vie, puis vous fera mourir, puis vous fera vivre. Certes, l'homme est un grand ingrat. Dans Sourate Yunus, dit, qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Qui possède l'ouïe, la vue? Qui est-ce qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant et qui administre l'ordre, qui gère tout? Ils diront c'est Allah. Dis-leur, ne le craignez donc vous pas. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire à Kuffar Quraysh, qui est-ce qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Qui est votre pourvoyeur? Donc on mentionne des parts de la seigneurie. Ben ils répondront c'est Allah, ils reconnaissent, ils savent que c'est Allah le créateur, Allah le propriétaire, Allah le gérant, Allah le seul maître. Allah dit au prophète sallam de leur dire, ne les craignez donc vous pas, ne craignez-vous pas la finalité de donner des égaux à Allah dans le culte après avoir reconnu qu'il est unique dans la seigneurie. فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ. Voici Allah, votre Seigneur, la vérité. Et qu'y a-t-il après la vérité, si ce n'est l'égarement? Ça, c'est la première preuve mentionnée de l'unicité d'Allah dans l'adoration. Deuxièmement, ذِكْرُ سُبْحَانَهُ لِأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى الدَّالَّةِ على كماله وجلاله وعظمته وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما دون سواه ومن الأمثلة على ذلك آية الكرسي التي أخلصت لبيان التوحيد وتقريره حيث ذكر فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء وذكر من صفات العظيمة ما يزيد على العشرين صفة. La deuxième preuve, c'est ce qui a été mentionné comme nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme attribut parfait. Tout cela nous indique la perfection absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa magnificence et son immensité. Et que c'est donc le seul qui mérite d'être adoré. Celui qui a la perfection absolue est le seul qui mérite d'être adoré. Et le seul à avoir la perfection absolue, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, Ayatul Kursi, ce verset dans lequel on a mentionné que la description d'Allah Azza wa Jal à travers ses noms, à travers ses attributs, on a mentionné que l'unicité d'Allah et que ce qui nous amène au résultat, que ce qui mène à, ou plutôt qui démontre qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Dans ce verset, il y a la mention de 5 noms parmi les noms d'Allah. Dans ce verset, il y a la mention de plus d'une vingtaine ou d'une vingtaine d'attributs. Troisièmement, ذكر تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي مننه في سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما عد فيها سبحانه من النعم على العباد. La troisième preuve qui nous amène à affirmer qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, à affirmer la ilaha illallah, c'est la mention faite par Allah Azza wa Jal de ses bienfaits dans le Coran, de ses grâces, de ses faveurs, de ses bienfaits. On les mentionne, on les énumère de manière succincte ou bien successive, et on les disperse également dans le Coran. On les mentionne séparément dans le Coran. Et parmi les meilleurs exemples, Sourate An-Nahl, Sourate An-Nahl, les abeilles, cette sourate que certains savants surnomment la sourate des bienfaits, de par la multitude et les grands nombres de bienfaits qui a été mentionné dans cette sourate. Si vous lisez Sourate An-Nahl du début, pendant plusieurs pages, on ne fait que énumérer des bienfaits. Et on trouve dans cette sourate كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. نعم. Je pense qu'il y a, il manque. S'il y a écrit نعمت الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون. Je pense que c'est يعرفون نعمة الله. نعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون. Ainsi Allah parfait son bienfait sur vous afin que vous vous soumettiez à lui. Et s'il se détourne, ta mission n'est que de transmettre de manière claire. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis il le renie, et la plupart d'entre eux sont al-kafiroun. Prenons Sourate An-Nahl du début et voyons quelques bienfaits mentionnés par Allah Azza wa Jal. Puis vous méditerez sur cette sourate. Allah Azza wa Jal commence cette sourate en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ata amrullahi fala tasta'ajilu Subhanahu wa ta'ala amma yushrikum Yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi Ala man yasha'u min ibadi An anziru Annahu la ilaha illa ana fattakun. Le premier bienfait mentionné par Allah dans sourate An-Nahl, c'est le bienfait de Tawhid. Le premier bienfait mentionné dans sourate An-Nahl, c'est le bienfait de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ata amrullahi fala tasta'jilu. L'ordre d'Allah arrive, ne vous pressez pas. Subhanahu wa ta'ala amma yushriku. Exempt soit-il de tout défaut, de toute similitude avec ses créatures, il est au-dessus de tout ce qu'il lui accorde comme associé. Yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi. Il fait descendre les anges ainsi que Jibril avec son ordre. Ça, c'est le bienfait de la révélation. Sur qui il veut parmi ses serviteurs, c'est-à-dire parmi les prophètes et les messagers, pour avertir que nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui. Craignez-moi donc. Le premier bienfait, c'est la révélation pour être tawhid. Khalaqa as-samawati wal-arda bil-haq. On cite un bienfait ici, c'est la création. La création des cieux et de la terre. Bil-haq, ta'ala amma yushrikun. Élevé soit-il au-dessus de ceux qui lui associent. On mentionne les bienfaits, on en fait une preuve de son unicité et on dit il n'a pas d'égal, il n'a pas d'associé. Le fait qu'Allah soit celui qui nous accorde les bienfaits est une preuve qui démontre clairement qu'il est le seul à mériter l'adoration. Ensuite, خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Il a créé l'homme d'une goutte, et voici qu'il se fait un disputeur acharné. Ici, il y a la mention du bienfait de notre création. La mention du bienfait de notre création. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا. Ensuite, on mentionne la création d'Allah des bestiaux. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Allah Azza wa Jal nous mentionne ensuite qu'on tire profit de la laine des bestiaux. On peut ainsi se réchauffer. On peut manger de cette viande. Et ainsi de suite. On peut les utiliser pour porter nos marchandises. Et il mentionne beaucoup, beaucoup de bienfaits. Ensuite, on mentionne la pluie plus loin. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهَا تُسِيمُونَ. Ensuite, on mentionne donc la pluie. Ensuite, on mentionne les bienfaits qui sortent de la terre. Et ainsi de suite. On mentionne le bienfait du jour, le bienfait de la nuit. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Le bienfait du soleil, le bienfait de la lune. وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِأَمْرِهِ. Le bienfait des étoiles. Donc méditez cette sourate et lisez-la du début. Vous verrez la mention de nombreux bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Tout cela nous amène à quoi? À reconnaître qu'il est le seul à mériter de notre part l'adoration. Car c'est lui qui nous a accordé tout ce qu'on a. Tout ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Subhanahu wa ta'ala. La quatrième preuve de l'unicité d'Allah dans l'adoration. ذِكْرُ سُبْحَانَهُ لِإِجَابَةِ الْمُطَّرِّينَ وَكَشْفِي كُرُبَاتِ الْمَكْرُوبِينَ وَلَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ سِوَاهُ. La quatrième preuve est la mention qu'Allah Azza wa Jal nous fait dans le Coran du fait que c'est lui qui répond à l'appel de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont dans un cas de force majeure, de ceux qui sont dans l'angoisse et l'affliction. Il nous mentionne que c'est lui qui dissipe les soucis de ses serviteurs, qui dissipe l'affliction de ses serviteurs, et nul n'a la capacité de le faire si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui a la capacité de dissiper de toi le mal, le problème, l'affliction, le malheur, ben c'est le seul qui mérite que tu l'adores. C'est le seul qui mérite que tu l'adores. Dans Surat al-Naml, Amma yujibu al-muttarra idha da'a, wa yakshifu al-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard, a ilahum ma'allah, qalilam ma tadhakkaroum. Allah Azza wa Jal nous dit, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah digne d'être adorée? Mais c'est bien rare que vous vous rappeliez. Cinquièmement, اخبروا عن نفسي بأنه النافع الضار المعطي المانع وأن من سواه لا يملك شيئا من ذلك لنفسي ولا لغيري. La cinquième preuve de l'unicité d'Allah dans l'adoration est le fait qu'il nous informe que seul lui peut accorder le bien et peut toucher du mal. Seul lui peut donner le bien, repousser le mal. Seul lui peut donner et retenir. C'est le seul maître capable de faire cela. Et en dehors d'Allah, personne n'a la capacité de t'accorder le bien, de te toucher du mal, de repousser de toi le mal. Personne n'a la capacité de ça. Seul Allah en est capable. Dans Surat Az-Zumar, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيَّ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, il dira assurément Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ses fausses divinités pourraient dissiper son mal? Ou s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde? Dis, Allah me suffit, et sans lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui. Sixième preuve, إخبار سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات وبديع إيجاده للكائنات. قال تعالى الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. La sixième preuve nous amenant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, c'est lorsqu'Allah azza wa jal nous informe dans son livre de la précision de sa création dans l'agencement, dans la beauté et la perfection. Dans Surat Ghafir, c'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donné. Et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah votre Seigneur. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Lorsque tu médites le ciel, lorsque tu médites sur la terre, sur toi-même, sur la création d'Allah, tu vois que c'est parfait. Ce qu'Allah a fait, c'est parfait, de manière minutieuse, de manière agencée. La septième preuve, ikhbaru an haqarat al-awthan wa ajziha wa anna la tamliku shay'an. La septième preuve, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous montre le caractère vil des fausses divinités, le caractère vil des fausses divinités adorées en dehors d'Allah, leur incapacité, le fait qu'elles ne possèdent rien. Dans Surat al-Hajj, Allah nous dit ya ayyuha an-nas duriba مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Dans sourate Al-Hajj, Allah Azza wa Jal nous appelle, ô vous les gens. Une parabole vous a été exposée, écoutez-la donc. Allah t'ordonne d'écouter cette parabole. Et il nous dit, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Allah nous dit que tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, s'ils s'uniraient tous pour tenter de créer une seule mouche, ils n'auraient la capacité de le faire. Allahu Akbar. Une mouche. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, si une simple mouche leur prenait quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Allahu Akbar. Si une mouche vient et prend un grain d'une nourriture et s'envole, ben, perce, ils n'auraient même pas la capacité de récupérer ce grain. La mouche, cet animal faible, cette créature d'Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas la capacité de la créer. Et si la mouche leur prend quelque chose, ils n'ont pas la capacité de récupérer cette chose. Puis Allah Azza wa Jal nous dit, sur la traduction et sens du verset, le solliciteur et le sollicité, c'est-à-dire celui qui invoque ses fausses divinités, et cette fausse divinité invoquée, le solliciteur et le sollicité sont faibles. Tous sont faibles. Ils n'ont pas estimé Allah comme il méritait, comme il le méritait. Certes, Allah est le fort, le puissant. Il a ghayri dhalika min ad-dalail al-bayyinat wal-hujaj al-wadhihat allati سيقت في القرآن الكريم مبينة أن الله عز وجل هو الإله الحق المبين وأن ألوهية من سواه كفر وطغيان وضلال وبهتان. L'auteur a cité ici sept exemples qui nous prouvent qu'Allah عز وجل c'est الحق المعبود الحق المعبود بحق, la seule divinité qui est adoré en toute vérité, qui est adoré et digne de l'être, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne le mérite pas. Il nous a cité cette preuve, et il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a encore de très nombreuses preuves, toutes plus claires, étincelantes et éclatantes les unes que les autres, qui ont été mentionnées dans le noble Coran, exposé, explicité par Allah subhanahu wa ta'ala, la seule divinité, la vérité, celui qui nous a exposé clairement les choses. Et la divinité, ou bien le droit à l'adoration, ou plutôt, et aucune créature n'a le droit à l'adoration, Et le fait d'adorer qu'Allah Azza wa Jal n'est que transgression, polythéisme, mécréance, égarement et mensonge. Voici pour l'explication des noms d'Allah, Al-Haqq et Al-Mubin. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أسماء الله تبارك وتعالى القدير القادر المقتدر وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن أكثرها ورودا القدير ثم القادر ثم المقتدر قال تعالى والله على كل شيء قدير وقال تعالى إنه كان عليما قديرا وقال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله وأنه سبحانه كامل القدرة فبقدرتي أوجد الموجودات وبقدرتي دبرها وبقدرتي سواها وأحكمها وبقدرتي يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسان والمسيء بإساءة الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون وبقدرتي يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا ولكمل قدرتي لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء يعلمه إياه ولكمل قدرتي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب ولا يعجز أحد من خلقي ولا فوته بل هو في قبضتي أين كان الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب والإعياء والعجز عما يريد ولكمل قدرتي كل شيء طوع أمره وتحت تدبيره فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a donc Al-Qadir, ou plutôt avant ça, l'auteur a cité Al-Qadir, ensuite Al-Qadir et Al-Muqtadir. L'ensemble de ces noms ont été mentionnés en Coran. Celui qui a été le plus souvent mentionné, c'est Al-Qadir, puis Al-Qadir et enfin Al-Muqtadir. Dans Surat Al-Baqarah, Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est face à toute chose omnipotent. Dans Surat Fatir, Innahu kana aliman qadira. Il est certes omniscient, omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire capable de toute chose. Rien ne peut le rendre incapable. Il n'y a aucune chose qui serait devant laquelle Allah Azza wa Jalla ne serait pas capable, saurait faiblir. Ou pourrait faiblir. Dans Surat Al-An'am, dit, il est capable, lui, de susciter contre vous, d'en haut ou d'au-dessous de vos pieds, un châtiment de vous confondre dans le sectarisme. Et il vous fait goûter l'ardeur les uns aux autres. Regarde comment nous exposons nos versets. Peut-être comprendront-ils. L'ensemble de ces noms, Al-Qadir, Al-Qadir et Al-Muqtadir, nous indiquent que parmi les attributs d'Allah, il y a Sifatul Qudra, l'omnipotence, la pleine capacité. Allah subhanahu wa ta'ala, son omnipotence est parfaite, complète. Avec son omnipotence, avec sa pleine capacité, il a tout créé. Avec sa pleine capacité, il gère tout. Il a tout agencé. Avec sa pleine capacité, il donne la vie, il donne la mort. Et il ressuscitera les serviteurs pour la rétribution. Avec sa pleine capacité, il récompensera celui qui a bien agi et il punira. Ou bien il rétribuera celui qui a bien agi avec excellence. Et il rétribuera celui qui a mal agi selon ses actions. Allah, de par sa pleine capacité, est celui qui, lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. De par sa pleine capacité, son omnipotence, il retourne les cœurs et les dirige où il veut, vers ceux qu'il veut. Il guide qui il veut, il égare qui il veut. Il rend croyant le croyant, mécréant le mécréant, bon les gens de la bonté, pervers les pervers. De par la perfection de son omnipotence, nul n'a la capacité d'embrasser de sa science Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est ce qu'Allah a bien voulu qu'on sache. Et de là, de par la perfection de son omnipotence, il a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre les deux en 6 jours, sans avoir été touché par quelque fatigue. Rien ne saurait rendre incapable Allah, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Rien ne saurait lui échapper. Le tout est dans sa poignée. Où que les serviteurs soient, Allah Azza wa Jalla est celui dont l'omnipotence, celui dont la pleine capacité a été préservée de toute fatigue, de toute difficulté, de toute faiblesse devant ce qu'il souhaite. Et de par la perfection de son omnipotence, toutes ses créatures sont soumises à son commandement et à sa décision, sont sous sa volonté. Ce qu'Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى كان الله وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا Et parmi les grandes bases de la foi, il y a la foi en la prédestination, la foi au destin. Ainsi on trouve dans sourate Qaf Nous avons certes c'est plutôt dans sourate Al-Qamar il me semble ici il a écrit sourate Qaf Nous avons créé toutes choses avec juste mesure. Et dans l'Ahzab, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Et dans Sourate Al-Furqan, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Donc Allah, Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, est celui aussi qui a mis le destin, celui qui a mis la prédestination, celui qui a tout décrété, celui qui a tout agencé, qui a tout su, qui a tout fait inscrire dans les tablettes préservées, qui a créé la plume et lui a ordonné d'écrire tout ce qui sera jusqu'au jour dernier. Lorsqu'Allah veut une chose, elle est, et lorsqu'il ne veut pas, elle n'est pas. Et lorsqu'il veut que ça se produit, il crée la chose. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر Dans le livre, il y a écrit sourate Qaf, verset 47-48, c'est sourate Al-Qamar. Dans le recueil de l'imam muslim, Abu Hurayrata radiallahu anhu nous dit, des associateurs de Quraysh sont venus débattre ou essayer de se disputer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du destin, du qadar. Alors il fut révélé, selon la traduction des sens de ces deux versets, les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira « Goûtez au contact de Saqar ». La chaleur ardente dans l'enfer, il y est écrit entre parenthèses. « وَمَنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ » Celui qui n'a pas foi en la prédestination au destin, il n'a pas foi en Allah. قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله. إمام أحمد رحمه الله تعالى a dit la prédestination et l'omnipotence d'Allah, la pleine capacité d'Allah. فإنكار القدر إنكار لقدرة الله. Ainsi celui qui renie le destin aura renié la pleine capacité d'Allah, l'omnipotence d'Allah. وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها يتنافى مع الإيمان به سبحانه إذ من أصول الإيمان به الإيمان بالأقدار. Celui qui renie le destin aura renié l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa pleine capacité. Et celui qui renie cela aura renié un attribut d'Allah. Et ça ne peut pas aller ensemble de renier les attributs d'Allah et de croire en Allah et d'avoir la foi en lui. قال ابن عباس القدر نظام التوحيد فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقض التوحيد. ابن أبي بطة منسون الإبانة قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر le destin, par cela est organisé le tawhid. Par cela est parfaitement agencé l'unicité d'Allah. Ainsi, celui qui unifie Allah Azza wa Jal et a foi au destin, voici l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Quant à celui qui unifie Allah, mais qui dément, qui ne croit pas au destin, celui-ci aura annulé son tawhid. Wa qala Auf سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارا وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم الأرزاق بقدر وقسم البلاء بقدر وقسم العافية بقدر. ابن بطة toujours dans l'Ibana mentionne la parole de Auf. Il dit j'ai entendu le Hassan رحمه الله dire celui qui dément, celui qui ne croit pas au destin ne croit pas en l'islam, ou plutôt aura démenti l'islam. Car certes Allah tabaraka wa ta'ala a décrété les choses avec le destin et a créé les choses avec le décret et a partagé la subsistance et les dons ainsi que la vie de chacun avec son décret. Et il a répandu ou bien partagé ce qui arrivera à chacun avec le décret. Et il a partagé et répandu ce qui touchera chacun comme préservation avec le décret. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, il l'a décrété. Tout ce qui se passe, c'est Allah qui l'a décrété. Donc celui qui mécroit au destin, il aura mécru en l'attribut d'Allah. Et il aura mécru en l'islam, il aura mécru en Allah Azza wa Jal. وَالْإِمَانُ بِالْقَدَرْ مِنْ أَجَلِّ أَوْصَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ. Le fait de croire au destin fait partie des meilleures caractéristiques des gens de science. Ceux qui connaissent Allah Azza wa Jalla. Wara ibn Jarir fi tafsiri an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawli ta'ala innama yakhsha Allah min ibadi al-ulama qala alladhina yaqulun inna Allah ala kulli shay'in qadir. Ibn Abbas a expliqué le verset: les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Il a dit, c'est-à-dire ceux qui disent qu'Allah est parfaitement omnipotent. Les vrais savants sont ceux qui reconnaissent qu'Allah est parfaitement capable. قال ابن القيم رحمه الله وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات. ابن القيم fait les éloges d'Ibn Abbas radiallahu anhuma en disant ici, et ceci fait partie de la grande compréhension d'Ibn Abbas, de sa grande science du tafsir, de l'exégèse du Coran, de sa compréhension de la réalité des noms et des attributs. فإن أكثر أهل الكلام لا يفون هذه الجملة حقها. Car la plupart des gens qui parlent sur le Coran et la Sunna en ne prenant pas pour base le Coran et la Sunna, ce qu'on appelle Ahlul Kalam, n'ont pas accordé à cette phrase sa juste valeur. وإن كانوا يقرون بها, même s'ils la reconnaissent, فمنكر القدر وخلق أفعال العباد لا يقرون بها على وجهها. Car ceux qui renient le décret, le destin, et qu'Allah est le créateur des actions des serviteurs, ne reconnaissent pas cela comme il se doit. Wa munkiru af'ali Rabb ta'ala al-qa'imah. Al-qa'imati bihi la yuqirruna biha 'ala wajhiha. Pareillement pour ceux qui rejettent les actions du Seigneur, yani les attributs d'Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas reconnu cela comme il le fallait. بل يصرحون أنه لا يقدر على فعل ما يقوم به ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. Celui qui dit, celui qui renie les attributs d'Allah, qui renie les actions qu'Allah a mentionnées dans le Coran et la Sunna, qu'a mentionné le Prophète sallam également dans la Sunna, il ne reconnaît pas qu'Allah est tout puissant. Il ne reconnaît pas qu'Allah est parfaitement omnipotent et capable de tout. Il ne reconnaît pas qu'Allah est ala kulli shay'in qadir. Et que chaque jour il fait, comme c'est mentionné dans le Coran, kulla yawmin huwa fi sha'an. Yaf'alu ma yasha. Donc ceux qui renient les attributs d'Allah Azza wa Jal, ou bien les attributs d'action d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou ce qui a été mentionné dans le Coran ou la Sunna concernant les actions d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, particulièrement l'af'al, ou plutôt as-sifatul fi'liya, ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal comme il devait l'être. Et ils n'ont pas reconnu qu'Allah faisait ce qu'il veut et qu'il était parfaitement omnipotent ala kulli shay'in qadir. ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وأنه سبحانه مقلب القلوب حقيقة وأنه إن شاء أن يقيم القلوب قامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. Tout comme ceux qui ne reconnaissent pas que les cœurs sont entre deux doigts de la main du Tout Miséricordieux, il les tourne comme il veut. Et que s'il veut, il les maintient, s'il veut, il les égare. Celui qui ne reconnaît pas cela n'aura pas reconnu qu'Allah est parfaitement omnipotent. Et d'autres exemples encore concernant ce qu'Allah Azza wa Jal fait. Celui qui ne reconnaît pas ce qui a été mentionné dans le Coran ou la Sunna n'aura pas reconnu qu'Allah est parfaitement omnipotent. Fayalaha kalimatun min hibril ummah ou habril ummah. Oh, comme est belle cette parole du grand savant de la communauté wa turjuman al-Qur'an, le grand savant du Qur'an. Voici la parole de Ibn al-Qayyim dans Shifa al-Ali. Hada wa inna al-iman bi qudrati Allah azza wa jalla allati dalla 'alayha asma'uhu al-qadir al-qadir al-muqtadir atharan 'azima. Hada wa inna lil-iman bi qudrati Allah azza wa jalla allati dalla 'alayha asma'uhu al-qadir القادر المقتدر آثارا عظيمة وثمارا مباركة تعود على العبد في دنياه وأخرى كيف لا والإيمان به قطب راحات التوحيد ونظامه ومبدأ الإيمان وتمامه وأصل الدين وقوامه فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان. Ceci étant dit, la foi au fait qu'Allah Azza wa Jal soit parfaitement omnipotent, comme cela est indiqué par les noms d'Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, celui qui est parfaitement capable et omnipotent, cette foi-là a des effets bénis et apporte les meilleurs fruits aux serviteurs dans son bas-monde et dans son au-delà. Comment cela pourrait-il être différent alors que c'est la base du tawhid et son agencement? C'est la base de la foi, son commencement et sa fin. C'est la base de la religion et son socle. C'est un des piliers de la foi et la grande règle de l'excellence. فَمِنْ ثِمَارِهِ الْمُبَارَكَةِ أَنَّهُ يُقَوِّي فِي الْعَبْدِ الْإِسْتِعَانَةَ بِاللَّهِ وَحُسْنَ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَتَمَامَ الْإِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ. Celui qui a une foi ferme quant au fait qu'Allah est ala kulli shay'in qadir, parfaitement omnipotent, ça renforcera sa demande d'aide à Allah. Ça renforcera le fait qu'il compte pleinement sur Allah et espère en Allah, qu'il se dirige que vers Allah. comme dans le hadith d'Ibn Abbas, il nous dit كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت عليه على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Dans le hadith d'Ibn Abbas, il nous dit, j'étais un jour en groupe derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il me dit Allah, oh jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras toujours devant toi. C'est-à-dire préserve les limites d'Allah, les ordres et les interdits d'Allah. Il te préservera dans ta religion, dans ta dunya. Préserve Allah, tu le trouveras toujours devant toi. C'est-à-dire, quelle que soit la chose entreprise, tu trouveras Allah. Il t'aidera, il t'accordera la réussite. Ida sa'alta fas'alillah. Quand tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Quand tu demandes de l'aide, recherche-la auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté s'unissait pour te faire un bien, il ne pourrait le faire sauf ce qu'Allah t'a déjà écrit. Et s'il s'unissait pour te toucher d'un mal, il ne pourrait le faire sauf ce qu'Allah t'a déjà écrit. Les plumes sont levées et l'encre asséchée. Donc celui qui sait qu'Allah est ala kulli shay'in qadir, il comptera que sur lui. Il recherchera l'aide auprès de lui et il se dirigera d'une manière très forte vers lui. ومن آثاره تكميل الصبر وتيمم وحسن الرضا عن الله. قال ابن القيم رحمه الله من ملأ قلبه بالرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة. Parmi les bons fruits, il y a la complétude de l'endurance. Celui qui sait qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement omnipotent, il aura une grande endurance et il se dirigera véritablement il aura une véritable endurance et il agréera Allah subhanahu wa ta'ala. Il agréera Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit, celui qui remplit son cœur de l'agrément du décret qu'Allah a décrété, Allah remplira son cœur de richesse, de sécurité et de suffisance. Et Allah videra son cœur, si ce n'est de son amour, du retour vers lui et du fait de compter pleinement que sur lui. Quant à celui qui n'agrée pas Allah ou ce qu'Allah lui a décrété, son cœur sera rempli du contraire de ce qui a été mentionné ici. Et il sera préoccupé constamment dans ce dans quoi il n'y a pas son bonheur ni sa réussite. On finira inshallah ta'ala la semaine prochaine. Ainsi, nous avons étudié 5 noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala: Al-Haqq, Al-Mubin, القدير القادر المقتدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا إنه الغفور الرحيم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.